Douze, 28, observation. Sortir et partir, présent de l'indicatif. Sortir, je sors, tu sors, il sort. Nous sortons, vous sortez, ils sortent. Et partir, je pars, tu pars, il part. Nous partons, vous partez, ils partent. Notez que, du point de vue de la prononciation, les trois personnes du singulier sont identiques. Et les trois personnes du pluriel ont une consonne T qui est absente des trois personnes du singulier.